Chapitre 15e, la dame en deuil. Paulin Broquet, maintenant que Miss Eden était blessée, dut remettre un autre jour l'enlèvement de Darling. D'ailleurs, ce matin, retenu par le chef de la sûreté, il ne fut libre que beaucoup trop tard pour exécuter son plan. Au demeurant, pensa-t-il, Zigomar, après cette nouvelle escarmouche, va comme toujours faire une absence de quelques jours. Il est probable qu'il se rendra garche chez le vénérable Master Shipper. Le moment serait mal choisi pour tenter de lui prendre Darling. Paulin Broquet jugea qu'il valait mieux attendre quelques jours. La mort fut donc chargée de surveiller la villa de Garche. Paulin Broquet, pendant ce temps, fut convoqué à la banque pour organiser l'expédition contenant les millions de l'emprunt turc. Cette expédition devait précisément être différée. Une grève venait d'éclater à Marseille. Les chargeurs de navires avaient tout à coup refusé le travail. Et quelques actes de sabotage ayant été commis, il était de la dernière importance d'expédier une caisse aussi précieuse. Cela convenait absolument à Paulin Broquet et lui permettait de terminer ses affaires en cours à Paris. Dans la soirée, il se rendit à la villa mystérieuse. Toute la journée, par le téléphone, il avait été tenu au courant de la santé de Miss Eden. Comme toujours, le célèbre chirurgien douairier avait fait un miracle. Quand il avait dit à Paulin Broquet qu'il sauverait la blessée, il ne s'était pas trop aventuré. Miss Eden, sous ses soins, semblait déjà rétablie. Sous les mains du chirurgien, qui semblait ne faire que des prodiges, sa blessure pansée entrait déjà en voie de guérison. Le docteur Douairier aujourd'hui doit lutter contre la malveillance, la jalousie des savantissimes officiels, hors de la routine de qui il n'est pas de guérison. Autrefois, les sanctissimes, hors de la foi de qui il n'était pas de saint, l'eussent fait brûler vif comme sorcier. Mais quand Paulin Broquet, le soir, fut admis auprès de Miss Eden, il trouva la blessée souriante, calme, adossée à de grands oreillers. « Hier, lui dit-elle, vous m'avez ramassée mourante. Ce soir, je pourrais me lever, si le docteur Douairier le voulait. » Puis elle demanda, « Darling, dès que vous pourrez venir avec nous, ce ne sera pas long, nous irons la chercher. » Jusque-là, elle ne court pas plus de danger qu'avant. Et Zigomar, qui croyait hier, comme vous me l'avez dit, n'avoir plus besoin d'elle pour se protéger, la garde précieusement, car il n'a pas encore pu livrer la peau de l'ours et la lutte continue. Il y avait, comme garde-malade, la femme d'un homme de la brigade de Paulin Broquet et dans la maison, pour seconder l'Indo-Canadien, le détective avait placé des hommes à lui, sûrs et dévoués. La villa mystérieuse n'était plus aux aides à présent, elle appartenait décidément aux Broquet. Je suis maintenant tout à fait des vôtres, dit Miss Eden à Paulin Broquet. Au cirque, l'absence de Miss Eden causa une profonde émotion. On donna au public une version plus ou moins acceptable d'accidents survenus au cours d'une répétition. Chacun fit des vœux pour le prompt rétablissement de la gymnasiarque. Au cirque arrivèrent des lettres, des cartes, des télégrammes. Eugénio, le régisseur, en apporta une corbeille pleine. Miss Eden s'amusa à les parcourir. Il y avait, comme toujours, des lettres sincères et des lettres de toquet, des épîtres en vers, des madrigaux qui faisaient regretter le XVIIIe siècle, des déclarations mal déguisées. Miss Eden riait et jetait le tout au feu. Une carte de visite la fit tressaillir. Elle portait ces lignes. Le prince Grégoriski serait heureux de voir la délicieuse Miss Eden promptement rétablie et la prit d'agréer ses souhaits de guérison. Miss Eden lut et relut cette carte. « Lui, se dit-elle, lui qui vient encore m'avertir qu'il ne m'oublie pas, qu'il est présent, qu'il prépare peut-être sa revanche. » Miss Eden reçut aussi quelques lettres d'enfant. Celle-là, naïve, la consolait des autres. Une d'elles la frappa délicieusement. L'écriture, elle la reconnut. En anglais, la lettre disait « Cher Miss Eden, bien souvent je suis venu vous applaudir au cirque, je vous admire. Je viens d'apprendre que vous êtes blessée et je suis désolée. Je vous souhaite une rapide guérison et serai très heureuse de vous revoir bientôt car je vous aime beaucoup. » Cette lettre portait comme signature ce seul mot charmant qui résume toutes les tendresses, « Darling ». Miss Eden lut et relut cette missive naïve et touchante. « Darling m'a écrit, disait-elle, j'ai une lettre de Darling. Et ma fille qui ne me connaît pas, sans savoir à qui elle écrit, me dit qu'elle m'aime. » Donc je n'ai pas à douter de l'avenir, à craindre une déception. C'est moi, bien moi, que Darling aime déjà. Elle m'aimera mille fois plus quand elle saura que je suis sa mère. » Et Miss Eden se laissait aller à son rêve de tendresse maternelle. à la douceur d'aimer, à celle d'imaginer les mille caresses qu'elle prodiguerait à son enfant quand elle l'aurait près d'elle. Oh, que nous avons de jours à rattraper, et qu'il faudra nous rendre en double, en triple, les baisers. Mais son enthousiasme de mère se calma quand son raisonnement de femme se demanda « Comment, darling, a-t-elle pu m'écrire? Pourquoi m'a-t-on expédié cette lettre? Qui l'a suggérée à l'enfant ?» Et anxieuse, elle se posa cette question. Cette lettre est-elle vraiment de darling? Ou la lui a-t-on dictée? Dans ce cas, pourquoi? Elle soumit le cas à Paulin Broquet. Le détective compara toutes les lettres de darling que conservait en un précieux coffret à Miss Hayden, comme si c'eût été son plus cher bijou. « Cette lettre, déclara-t-il, est bien de la même main de celle de l'enfant qui vous a déjà écrit. C'est bien une lettre de darling. Si toutefois, il n'y a aucune raison d'en douter, les autres lettres sont de darling. » Il ajouta. « Quant à savoir pourquoi on a fait écrire cette lettre à l'enfant, dans quel but, ne vous arrêtez pas à vouloir le deviner, il y a 100 raisons. Ces raisons ne nous importent pas. La seule chose à considérer ici et que vous avez une lettre de votre enfant. Laissez donc, sans arrière-pensée, votre cœur de mère goûter pleinement son bonheur. Ne croyez-vous pas que cela cache encore une perfidie de cet homme? Peut-être pas. Comment cela? Il se peut en effet que cet homme n'ait pas eu connaissance de cet envoi. Zygomar a grande confiance dans la surveillance et la fidélité de Master Shipper et de son honorable épouse. Il leur a donné darling à garder, leur racontant sans doute un roman et les mettant en garde contre tout danger que pourrait courir darling. Mais il les laisse libres d'élever à leur façon, d'ailleurs absolument digne d'éloge, la fillette, et il ne s'occupe pas de tous ces menus détails de l'existence de darling. C'est possible, en effet. Du moment qu'il autorise le vénérable Master Shipper à conduire darling au cirque moderne, à vous applaudir souvent, Master Shipper n'a pas dû probablement enfreindre sa consigne en permettant à darling de vous écrire ce mot. L'explication est acceptable, en vérité, dit Miss Hayden. Et ce doit être ainsi que cela s'est passé. Ma fille, désolée de me savoir blessée, a voulu témoigner à l'artiste aimé la peine que lui causait ma souffrance. Et avec l'assentiment de Master Shipper, elle m'a adressé les vœux que formait son petit cœur. Tout cela sans que ce misérable en ait connaissance. Et puis, fit Paulin Broquet, quand il en aurait connaissance maintenant, au point où nous en sommes, cela ne pourrait avoir, je le présume, de graves conséquences. Croyez-vous? Il est capable de se venger sur mon enfant. Il ne le pourra pas. Quelques jours seulement vous séparent de darling. Quelques jours encore. Dès que le docteur Douairier aura vu la réalisation complète de son miracle, nous irons chercher darling. Il conclut. Il ne reste plus, Miss Hayden, qu'à être heureuse de ce témoignage d'affection, gage certain de tendresse prochaine, et à vous guérir promptement. Miss Hayden essayait de mettre toute sa volonté, toute son énergie à guérir promptement, comme le lui demandait Paulin Broquet. Mais malgré sa force, sa santé, sa jeunesse, la guérison, quoique venant à grands pas, n'allait tout de même pas aussi vite que la mère impatiente l'eût voulu. La chair inerte est malheureusement trop souvent plus forte que le courage, que la volonté. Il fallait attendre. Or, il n'est chose plus terrible que l'attente. Surtout quand l'attente est le gage d'une joie. Cependant, darling n'avait pas cessé d'aller au cirque moderne, dont elle était une des plus fidèles habituées. Aux matinées du dimanche et du jeudi, on voyait dans une loge une fillette aux longues boucles d'or chaud, sous un de ces horribles grands chapeaux de Londres qui rendent exquises les figures d'enfants ou de femmes anglaises restant toujours un peu enfants. La fillette regardait de ses grands yeux mauves éblouis, ravis, les jeux du cirque. Elle riait aux clowneries, applaudissait aux tours de force, acclamait les écuyers. Ses petites mains battaient et tout son corps frémissait de bonheur. Elle vivait cette vie de hardiesse, de souplesse, de courage, et laissait franchement, naïvement, éclater toute la joie que lui causait le spectacle. Elle était encadrée par deux bons vieillards. L'homme à tournure de brave clergyman, tout blanc de cheveux et favoris, dans un long et sévère costume noir. La femme, en tenue modeste, de digne épouse d'un homme de Dieu. Tous deux semblaient heureux du bonheur de l'enfant, et le spectacle, pour leurs yeux attendris, était non sur la piste, mais dans la loge, à côté d'eux. Au cri de l'enfant, à ses élans d'enthousiasme, « Voyez, grand-père, oh, grand-mère, le clown, regardez quel beau saut périlleux. On croit qu'il tombe sur la tête. Tenez, tenez, pas du tout, le voilà sur les pieds. C'est véritablement admirable, n'est-ce pas ? Yes, my darling, approuvaient complaisamment les deux vieillards. Or, depuis deux ou trois matinées de cirque, une troisième personne, en même temps que le vénérable Master Shipper et sa digne épouse, dévorait des yeux Darling et goûtait sa joie, se délectait de son bonheur. C'était une dame portant des habits de deuil. Elle prit chaque fois une loge à côté de celle qu'occupaient Darling et ses grands-parents, et ne s'intéressa nullement au spectacle. Toute son attention semblait retenue par Darling. Naturellement, la dame en deuil ne pouvait pas ne pas être vue une première fois, vue une seconde, reconnue une troisième. Master Shipper et Mrs. Shipper la virent sourire à l'enfant, les saluer, eux, très correctement, et enfin, se cacher un peu dans le fond de sa loge pour essuyer ses yeux sous son voile noir. Ils purent même, dans un silence d'orchestre, au moment sensationnel d'un tour périlleux, ils purent l'entendre sangloter. Puis cela devait être, et cela arriva tout naturellement, la dame en deuil et Mrs. Shipper échangèrent quelques paroles. Une autre fois, la conversation fut plus longue, et la dame en deuil fit cet aveu à la femme du pasteur. « Si vous me voyez ici, madame, au spectacle avec mes habits de deuil, c'est qu'une pensée pieuse m'y attire. J'y conduisais autrefois ma fille, mon Hilda. Ah, madame, quelle douleur! J'ai perdu mon enfant. Elle avait l'âge de votre darling. Elle ressemblait à votre darling. Je me tenais près d'elle comme vous, à côté de votre fillette. Comme vous, maintenant, j'étais heureuse de sa joie. L'amour impitoyable est venu faucher la fleur de ma vie. Alors, madame, je reviens ici, pour donner à mon cœur de mère qui ne se console pas une illusion du bonheur d'autrefois. » Mrs. Shipper avait l'âme simple que la Bible réclame, et Master Shipper, en tant que pasteur, avait un cœur plein de compassion. Ils partagèrent tous deux la grande douleur de la dame en deuil. C'était une femme, jeune encore, fort jolie. Quand elle ne les épongeait pas, on pouvait admirer ses yeux noirs, très grands, très beaux. De larges bandeaux de cheveux noirs se partageaient sur son front. La dame en deuil intéressa si fort le vénérable Master Shipper et son épouse, que, si méfiants, crurent être bons chrétiens en ayant pitié d'elle. Et pour la première fois, ils rompirent avec la consigne et ils autorisèrent cette mère désolée à embrasser Darling. « Cette dame, dit Mrs. Shipper à la fillette, a perdu une petite fille qui avait votre âge, qui vous ressemblait. Vous seriez bien gentil d'embrasser cette mère désolée comme le faisait son enfant. » Darling regardait la dame en deuil, curieuse, inquiète. Ses grands yeux mauves avaient ce regard perçant, scrutateur des enfants qui semblent lire la pensée, deviner. Et entre ses sourcils dorés, un pli soucieux se creusait. Le pli de méfiance, ou d'inquiétude, le pli que portait également le front de Miss Eden quand elle faisait là-haut, sur son trapèze, un effort, quand, dans la vie ordinaire, elle entreprenait une action de lutte, de défense, quand elle jouait son rôle vaillant, hardi, noble, de la mystérieuse femme rousse. Et Darling, poussé par ce pressentiment, cette prescience des enfants, dont merveilleux qui s'atténue quand ils vont en âge, à quoi plus tard l'expérience peut succéder, mais qu'elle ne remplace pas, semblait ne pas ressentir pour cette dame en deuil sinon toute la sympathie, du moins toute la compassion de ses grands-parents. Elle s'écartait instinctivement de cette dame en deuil et plus fortement, dans ses petites mains, serrait les mains de ses deux bons vieux gardiens. Elle semblait leur demander plus grande protection. Cependant, obéissante, elle leva la tête, s'approcha de la dame en deuil et lui tendit son front. La dame en deuil se pencha et déposa un long baiser dans les boucles d'or, répétant tendrement « Mon enfant, oh ma fille chérie !» Elle donna à Darling une dernière caresse, un dernier baiser en lui disant « Merci !» Puis, éclatant en sanglots, la dame en deuil s'éloigna.